بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى تخلص الآية nous fait part de la grande faveur qu'il y a dans le fait d'appeler dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحْسَنَ الْأَقْوَالِ. Allah عز وجل il a placé dans la da'wa إلى الله عز وجل celle qui est voulue pour lui uniquement et conformément au suivi du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il a placé dans cette da'wa-là يعني la meilleure des paroles, c'est-à-dire que ceux qui ces vertus d'appeler vers le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils évoquent des choses dans la da'wah d'Allah azza wa jal, ils évoquent les paroles qui sont les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, et qui est meilleure parole que celui qui appelle au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle vers Allah azza wa jal, wa amila salihan ayyab, en conformité avec le suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qala innani min al-muslimin, c'est-à-dire qu'il œuvre par ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama fi al-hadith as-sahih: man da'a ila al-huda falahu ajru fa'ili, celui qui appelle vers la guidée il aura la même récompense que celui qui aura appliqué cette chose là vers laquelle tu l'as appelé. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahum ولا ينقص ذلك من أثر من أجورهم شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم nous fait part كذلك dans un autre hadith authentique dans lequel il nous fait part de la faveur qu'il y a dans la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que celui qui appelle vers la guidée il aura la même récompense, yani il aura une récompense et la récompense de ceux qui se sont guidés par son biais. تمام ولا ينقص ذلك, c'est-à-dire que cette personne là qui va être un biais تمام pour qui aura cette personne là qui aura appelé une autre, il va prendre la récompense de l'autre personne qui a été guidée par celui qui l'a guidée. Et هذا لا ينقص كسل سلام, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Et là, يوم القيامة. وقال نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Et le fait qu'Allah عز وجل, تمام, il fasse de toi que tu sois une cause de la guidée d'un autre, il dit c'est bien meilleur pour toi, تمام, c'est bien meilleur pour toi que يعني حمر النعم, c'est-à-dire les meilleurs des chameaux, comme les meilleurs des chameaux, c'est-à-dire à l'époque, يعني à notre époque, les meilleurs des cylindrés, يعني les personnes ils se tuent pour leur dunya, pour ces choses-là, qui c'est-à-dire les biens matériels, alors que dans la da'wah d'Allah azza wa jal, tu as une récompense lorsque tu appelles vers le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est semblable à la chose vers laquelle les gens dans cette vie d'ici-bas, ou plutôt il y a une partie des gens dans cette vie d'ici-bas, il s'est vertu à faire, donc dans ces adillah là il y a une grande preuve que ad'awa ilallah subhanahu wa ta'ala, il y a une grande faveur dans cela, et lorsque le musulman il voit et naham qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette faveur là qui lui a naham permis de pouvoir s'instruire pour pouvoir donner naham ce fruit là qui est la science à autre, il va pas se priver lorsque il voit il y a des moyens qui sont légiférés afin qu'ils propagent la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lakin hadha c'est muqayyad, c'est restreint aux moyens de propagation qui sont jugés comme étant légiférés dans l'islam, Al muslim lorsqu'il est confronté à ces moyens-là dans lesquels il peut appeler vers Allah Azza wa Jal, dans lesquels il y a un grand ajr. Il suffit juste qu'il guide une personne Et c'est elle que, yani, les plus belles démontures. T'as même les plus belles démontures. T'as même, il a la récompense des plus belles démontures. Et qu'à des cas, il aura la récompense des autres personnes qui seront guidées. Donc il va pas se priver de ce bien-là qui est la da'wa ila Allah Azza wa Jal. La meilleure des paroles que peut prononcer, la meilleure des paroles par laquelle tu te rapproches auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Donc yani, c'est en vertu de ces épreuves-là et d'autres qu'on s'est concerté avec les frères afin d'ouvrir un compte et un Twitter, c'est-à-dire afin de propager la science dans ce réseau social qui est connu sous le nom de Twitter. Et ceci après avoir concerté de nombreux frères au sujet de ce chose-là qui s'appelle Twitter. Certains, ils ont ouvert un compte fictif pour voir comment ça va marcher au niveau de l'administration, au niveau des paramètres et la khairihi. On a pu avoir certains renseignements d'autres qui avaient des comptes et la khairihi. Donc après cela, on s'est réunis avec les frères du site. Et on s'est dit, pourquoi pas se ouvrir un compte et afin de propager la da'wa de Dammaj, la da'wa salafiya, sur ce réseau social qui est Twitter. Donc on a consulté Cheikh Fath Al-Qadassi, hafizahullah ta'ala, ce sujet-là. On lui a posé la question à ce sujet-là. On lui a demandé, après lui avoir exposé les choses qu'on nous a fait part par rapport à Twitter, et lui-même, hatta, il était au courant de cette chose-là qui était Twitter. Il était au courant de cette chose-là qui est Twitter. Donc, on l'a consulté, il nous a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si jamais, à partir du moment où c'est utilisé dans un biais qui est religieux, c'est-à-dire pour da'wah ila Allah Azza wa Jal, comme c'était le cas dans la question, si jamais c'est utilisé pour faire un da'wah ila Allah Azza wa Jal, et que c'est bien géré, il n'y a pas de mal. Et il a dit que ces comptes-là, à partir du moment qu'ils sont bien gérés, et qu'ils sont voué pour la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit il n'y a pas de mal, et c'est même comme ce service qui s'appelle WhatsApp. Certaines des personnes, ils ont compris que il a fait une comparaison entre Twitter et WhatsApp, de manière générale. Là, il n'y a pas une personne qui va comprendre cela. La moindre personne qui connaît Twitter et qui connaît WhatsApp, il va te dire qu'il y a une différence entre les deux. L'analogie qu'il a fait, hafidhahullahu ta'ala, c'est par rapport au fait que si jamais tu utilises ce compte qui s'appelle Twitter, dans le but d'appeler il Allah subhanahu wa ta'ala et que ton compte il est bien géré, il a dit il est semblable à WhatsApp, c'est semblable à WhatsApp, dans le sens où tu vois il y a certaines personnes, ils ouvrent des groupes afin de propager quoi, afin de propager la da'wah d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leur compte kathalika est bien géré, c'est à dire que dans les majmouhats qu'ils font dans les groupes, ils gèrent les discussions et la khairi. Donc c'est la même chose, c'est à dire que c'est géré et il y a un profit de la da'wah et Allah subhanahu wa ta'ala qui se propage. Et celui qui, lorsqu'il demande conseil, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la personne à qui tu demandes le conseil, la personne à qui tu demandes la fatwa, tu ne la demandes pas à n'importe qui. C'est des gens qui sont placés par les mashaïrs, comme c'est le cas de Fath al-Qadassi, hafidhahullah ta'ala, qui remplace Cheikh Yahya pendant son absence à Mecca. Donc ce sont des personnes qui ont été désignées afin de remplacer Cheikh Yahya, c'est-à-dire dans les choses qu'il faisait, dans les fatawa, dans le tadris et l'akhirihi. Donc on lui a demandé la conseil, c'est quelqu'un qui est connu. C'est quelqu'un qui est connu, qui a pu l'entendre dans la da'wa, qui est très connu auprès des frères. Qui est très connu auprès des frères, qui a de la science et l'akhirihi, qui est placé, qui est apte à donner des fatwa. Et cette personne-là connaissait ces choses-là et il est loyal. C'est-à-dire que lorsqu'on lui a posé la question, il ne va pas nous répondre par rapport à la question pour nous trahir. C'est-à-dire qu'il sait, il n'y a pas à s'attendre. C'est-à-dire que sa fatwa sera propagée. Et là, sa fatwa sera propagée. Donc, il nous a dit que c'est possible, à partir du moment que ces deux conditions-là sont gérées. C'est-à-dire que, premièrement, c'est pour la religion. Et deuxièmement, il faut que ce compte-là, il soit quoi? Bien géré. Il soit bien géré. C'est-à-dire, ma'arouf, la gestion, c'est que, t'évites les polémiques. Qu'est-ce que c'est jamais tu vois le haram? T'as comme, bin nahi anhu, il a khirhi. Il soit bien géré, qu'il soit madbout. C'est-à-dire qu'il soit exempt en compte des choses, qui provoquent le cours d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc, le qiyas qu'il a fait, c'est pas le qiyas entre Twitter et WhatsApp, mais sur le fait d'être bien géré. Si ton compte il est bien géré, il a dit, c'est semblable à WhatsApp. C'est semblable à WhatsApp. Si ton compte Twitter, il est bien géré. Ça, c'était la ma'ana de la fatwa. Et celui qui lit, qui yata'ammal fihi, c'est-à-dire qui porte bien réflexion, il va comprendre. Il va comprendre que lui, il n'était pas en train de parler de Twitter de manière générale, lakin, d'un compte qui est géré pour la da'wah. Un compte qui est géré par la da'wah. Donc ça, c'était par rapport à un petit envie à faire par rapport, à certains remarques que j'ai eu de certains frères. Donc ça, c'était pour que ce soit éclairci. Et afin que Shir, quand même, il soit Naam Bari, qu'il soit innocent de tout ce qu'on peut lui adresser à lui. Il a parlé dans l'agrément d'Allah Azzawajal. Mais celui qui a transmis de lui, qu'il a dit que WhatsApp c'est comme le Twitter, fa'alayhi tawba ila Allah Azzawajal, car c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit, et c'est kadalika, c'est pas ce qu'on a écrit. Ensuite, il y en a ce qu'on s'enjoint les uns les autres, c'est ce qu'on s'enjoint les uns les autres, pour ceux qui ont des comptes, pour ceux qui veulent suivre plutôt, il y en a par Twitter, c'est-à-dire la da'wa de Maj, la da'wa salafiya, à travers ce compte qui est Twitter. Awalan, il faut savoir que ces choses-là, nous on l'a ouvert, pas afin que les gens qui nous connaissent, ils nous suivent sur Twitter, parce qu'ils nous connaissent. Donc je vois pas trop la faïda qui nous suivent sur Twitter, alors qu'il sait très bien où est le site, il connaît le site, et Kazalika, il connaît, comment ça s'appelle, la plateforme des audios, Walay, SoundCloud, il a fait cette chose-là, ce compte-là, on l'a ouvert, afin que notre da'wa, soit un peu plus propagée, et naham qu'elle touche une partie des musulmans qui n'avaient pas connaissance de notre site, pas connaissance de la da'wa vers laquelle on appelle, ou des personnes qui ont entendu parler de nous en mauvais, afin qu'ils se fassent eux-mêmes une opinion de la da'wa vers laquelle on appelle. Et on l'a ouvert aller dans ce genre d'optique-là, afin d'ouvrir la porte, ou plutôt de propager notre da'wa à ceux qui l'ignoraient, et qu'à dans les cas, ceux qui sont malades, ceux qui ils ont été trompés dans la manière dont ils s'approchent vers Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant que ce qu'on propage, inshallah ou tabaraka wa ta'ala, soit un sabab pour que ces gens-là reviennent vers le chemin dont Allah subhanahu wa ta'ala est agréé pour l'ibad. Et les personnes qui nous connaissent, ils peuvent se contenter de suivre sur le site. Il n'y a rien à changer pour eux, ils suivent sur le site. Et là, ce qu'on met sur Twitter, c'est que des liens, c'est un lien. Le Twitter, pour nous, c'est un mur vers lequel, qui va nous ramener vers le site, qui va ramener ces personnes-là vers le site. Twitter, c'est une da'wa vers le site. Amma, les personnes qui connaissent le site, t'as pas besoin d'aller sur Twitter pour revenir sur le site, chose que tu connais. Donc ces personnes-là qui nous connaissent pas, ou ceux qui nous suivent à travers le compte Twitter, on s'en joint les uns les autres, qu'ils gèrent bien leur compte. Si jamais ils ouvrent des comptes. Et ça, c'est pas obligé, tu peux suivre. On a facilité le fait d'ouvrir une extension sur la page du site, afin que ceux qui veulent suivre, qu'est-ce qui se passe sur le compte Twitter de Maj, ils n'ont pas besoin de rentrer directement sur Twitter, laquelle ils vont en bas de la page du site et ils voient qu'est-ce qui se passe. Ils voient qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ne veulent pas rentrer sur Twitter. Mais celui qui veut suivre sur Twitter, il faut qu'il sache qu'il est responsable. Il est responsable de cet enregistrement, de ce compte-là qu'il aura ouvert. Le Nabi Sassam, il a dit, نعم كلكم راع ومسؤول عن رعيته تمام النبي صلى الله عليه وسلم placé les gens responsables de ce qu'ils font وكذلك قال سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون par ton seigneur on va les questionner au sujet de ce qu'ils faisaient. Donc il faut qu'ils sachent que lorsqu'ils ouvrent ce genre de compte dans ces réseaux là dans lesquels tu trouves un bien et tu trouves un mal, il faut qu'ils ferment les portes à ce que le mal ne l'atteigne pas. Donc il est responsable de son compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il le gère. Si jamais il le laisse ouvert, il peut s'attendre à ce qu'il y en ait des personnes lui parlent et l'akhiri. Donc, à lui de gérer son compte. Et, alhamdoulilah, pour ça, il peut cadenasser directement son compte. Il peut cadenasser son compte afin que personne ne puisse lui envoyer ni un tweet, ni retweeter, ni lui envoyer d'un favori, ni ceci et cela. Son compte, il est fermé. C'est-à-dire que celui qui veut se mettre sur son compte, il est obligé de demander l'autorisation à cette personne-là. Donc, il y a cette option-là qui cadenasse. Tout ce que ton compte, c'est-à-dire que ton compte il est protégé, personne ne voit tes suites, et la khairi, tu peux, il y en a pour les personnes, il y en a qui veulent juste suivre, on les exhorte à faire cela, d'ouvrir s'ils veulent ouvrir un compte, et il y en a, ils font leur compte, il faut qu'il soit cadenassé, ils le cadenassent afin que personne ne parle avec eux, et ils parlent avec personne. Il se suffit de suivre le compte, comment s'appelle Twitter, le compte de Maj à travers Twitter, ou bien d'autres comptes qui sont, kazalika, inshallah, il y en a, bien gérés. Donc, il fait attention aux inconnus qui veulent lui parler, et la khairi, il y a à lui de gérer. Il n'ouvre pas la porte à tout le monde pour lui parler. Si la personne que tu connais pas, n'ouvre pas la porte à cette personne-là, tu ne connais pas. Il est majhoul. Donc, pourquoi ouvrir des discussions avec des personnes que tu connais pas? Ceux que tu connais, ceux que tu connais pas, n'ouvre pas la porte à ces personnes-là. Si jamais tu ouvres, tu es responsable d'avoir ouvert le chat avec toi. Donc, ça veut dire que la personne, elle doit s'autogérer. S'autogérer si jamais elle veut rentrer dans ce genre de choses-là. Et comme on a pu le dire, la personne, elle peut suffire juste de regarder. Elle peut même rentrer sur Twitter et pas s'inscrire. Elle regarde juste sur le compte de l'image. Elle tape l'adresse site d'image sur Twitter et elle regarde et qu'est-ce qui s'est passé. Elle n'a même pas besoin de rentrer. Et alhamdoulilah, elle peut cliquer même sur les liens et aller, il y en a les liens vont nous donner vers vers ce qu'ils aboutissent. Hein, donc il n'a pas besoin de rentrer. Hein, il a pas besoin de rentrer. Certaines personnes, ils pensent qu'en ouvrant ce compte-là, on a demandé aux gens de suivre et d'ouvrir un compte-là. Là. Hein, on a demandé à personne d'ouvrir un compte. Chacun est responsable de ses actes. Nous, on a voulu par cela appeler les gens qui ne connaissaient pas cette dawa-là sur ces réseaux sociaux-là dans lesquels il s'y trouve des musulmans. Certains ne nous connaissent pas, certains nous connaissent mais d'une mauvaise vue. Afin d'appeler les gens et ne pas se priver de ce bien qui est quoi que les efforts que tu fais dans le sentier d'Allah Azzawajal ils soient propagés et comme on a pu l'évoquer à travers les hadiths ils sont nombreux on se conseille par rapport les abonnés ceux qui ont qui veulent nous suivre en abonné. Il faut savoir que ces personnes-là qui s'abonnent au compte de Mel, il n'y a pas de mal par rapport à cela. Nous, on accepte toute personne qui veut profiter yani, du khir qui se propage à travers ce compte-là et Katalika à travers son clôt. Lakin, pour cela, il y a des conditions. Et la condition, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué dans son kitab. Faqala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de s'accrocher tous à l'anse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le kitab et la sunnah. Le kitab et la sunnah. C'est-à-dire lorsqu'on veut se réunir sur des choses, il faut qu'on c'est pas le simple fait qu'on se réunisse, mais il faut qu'on se réunisse dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on a pu voir à travers, et ça c'est un avis pour les abonnés de Twitter, qui est dans les cas pour les abonnés de SoundCloud, et surtout pour les abonnés de SoundCloud. Dans lesquels on a pu voir que certains des abonnés, ils ont des photos sur leur profil. Il faut savoir que ces genres de choses-là, ce sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. On parle des photos qu'ils ont, qu'ils ont une âme, les photos qu'ils ont une âme. Il faut savoir que ces choses-là, ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste énormément. Que tu fasses le sabab pour que ton profil, il a une chose dont Allah subhanahu wa ta'ala il a détesté. Et même une des choses parmi les qui a été le sabab que le shirk qui s'est propagé fait de dunya, il faut savoir que ça c'est très grave. C'est très grave. Donc aux abonnés de craindre Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au profil qu'ils mettent, les photos. Nous on n'agrée pas cela à partir d'aujourd'hui parce que SoundCloud, comme c'est une plateforme yani audio, j'ai envoyé plusieurs fois à certains des abonnés des nasaïh à plusieurs reprises et j'ai pas vu d'istijaba, j'ai pas vu de réponse. Donc je me suis dit peut-être qu'ils n'ont pas reçu les mails. Ammala, yani ma'rouf, lorsque les personnes qui suivent sur le SoundCloud, ils entendent directement, ils vont entendre yani cet audio-là, inshallah. Donc à partir de cet audio-là, on n'acceptera pas. On va laisser 3 jours que l'audio se propage, ou peut-être une semaine. À partir de ces 1 semaine, si la personne ne change pas son profil, on le supprime. Son compte, on le supprime définitivement. Il le supprime définitivement. S'il veut revenir, il nous envoie un mail et nous, on acceptera après cela. Amma, à partir du moment où cet audio-là va être propagé, on laisse 1 semaine aux personnes pour s'en tenir et craindre Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au profil dans lequel il y a des souwars, dans lesquels il y a un être vivant. On n'accepte pas ça. À partir de dimanche prochain, on supprime tous les comptes, que ce soit dans Twitter ou que ce soit dans SoundCloud, tous les comptes dans lesquels on va trouver un profil dans lequel il y a une sourah qui est haram. Une sourah qui est haram. Et Kazalika, il y a un frère Kazalika m'a fait part sur le mail par rapport à une mas'ala. La mas'ala des souwars. Alhamdoulilah, le frère Mounir, il a pu vous faire part de l'audio dans lequel le jugement véridique par rapport au souar dans lequel tu vois une tête. Certaines des personnes ils pensent que si jamais tu ne vois pas le visage, si le visage est caché, même si jamais tu vois la tête, eh ben, ça ne constitue pas une interdiction dans l'islam. Là, le Nabi sallam, comme c'est venu dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, Anna Jibril, qala, ataytuka al-bariha, fama mana'ani an azuraka, illa an kana fi baytika, ani souar, yani timthal fi souar. Jibril, il est venu une fois visiter le Prophète sallam, il a trouvé dans sa maison. Le hadith est rapporté par Tirmidhi, authentifié par Cheikh Mourouben et Cheikh Al-Albani, dans lequel il a voulu visiter un Nabi sallallahu alayhi, dans lequel il a trouvé, dans son bête, il y avait une statuette. Ça, c'était avant que le Nabi sallallahu alayhi sache que ces choses-là, elles étaient quoi? Elles étaient haram. Donc, il avait dans sa maison une statuette dans laquelle il y avait une représentation d'un être vivant. Et dans les cas sur les rideaux, il y avait une représentation d'être vivant. Il a dit, j'ai pas pu rentrer parce que le malaïka, كَمَا فَثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِحَيْنِ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهَا كَلْبٌ وَلَا سُوَرٌ. Il rentre pas dans les maisons dans lesquelles il se trouve un chien ou bien des images qui constituent dans lesquelles il y a une représentation d'un être vivant. Donc il a dit فَمُورْ بِتِمْثَلْ فَقْتَعْ أَسَفْ. Prends, ordonne que la statuette, qu'on enlève la tête à cette statuette, et Kadalika ordonne yani que les rideaux, ou découpe les rideaux afin d'en faire des appuie-têtes ou des coussins. Donc il a ordonné que la tête soit coupée. Et ça, c'est pour nous montrer que à partir du moment que la tête a disparu, ça constitue plus quoi ? Une interdiction. Ça constitue pas une interdiction. Donc comme ça peut être dans le cas d'un hadith ou d'un athar Ibn Abbas dans lequel il a dit as-suratu ar-ra's. La sourate, elle est représentée par la tête. À partir du moment où on trouve la tête d'un être vivant, ça devient haram. Faqala fa'idan qat'a ar-ra's fa la sourate. Et à partir du moment où la tête elle est supprimée, ça constitue plus une sourate d'un être vivant. Pourquoi ? Comme l'a évoqué l'imam Shawkani, alayhi rahmatullah fi nailal athar, il dit qu'à partir du moment où la tête elle est enlevée, c'est comme si jamais tu l'avais tué, c'est-à-dire qu'il a plus d'être. Donc c'est plus un être vivant. C'est pour ça qu'un musulman, yani, il lui a été ordonné que la tête soit supprimée sur le sourat, afin que ça soit une image dans laquelle qui ne constitue plus, un être vivant. Pourquoi ? Parce que la tête, elle a été coupée. Donc le fait qu'elle a été coupée, c'est comme si, dit Imam Shawkani, c'est comme si jamais on lui avait enlevé, son être, c'est plus un être vivant. C'est pour ça que ça constitue plus une interdiction. À partir du moment où la tête, elle est enlevée. Donc certaines personnes, ils pensent que c'est, il faut juste enlever les yeux, ou bien, juste y aller camoufler le visage là, ça c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, il n'y a aucun hadith qui montre que si jamais tu effaces le visage, c'est plus une interdiction. Ce qui est interdit, c'est à partir du moment où la tête elle est représentée. Et kadhalika, on m'a fait part du livre Ma'ruf de Ashir Atouajiri, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il a évoqué ce sujet-là. Les images dans lesquelles il y a un être vivant. Et kadhalika, la mas'ala dans laquelle il y en a à partir de quel moment. Si jamais à partir de quel moment l'image dans laquelle est représenté un être vivant ne constitue plus une interdiction. Donc il a évoqué la dilla que j'ai pu vous faire part, hadith Abu Huraira, et qu'à laquelle l'athar d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Et ensuite il a ramené la parole de l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, qui lui voit qu'à partir du moment où la tête elle est coupée, naam, ça constitue plus une interdiction. Lakin il voit que le fait, même que tu prends en photo, un être vivant, dans laquelle il n'y a plus la tête, il voit qu'à les cas que c'est makruh, que c'est une chose qui est détestable. Pourquoi ? Parce qu'il dit, le fait que tu as pris maintenant le corps de cette personne-là, même si jamais la tête elle y figure plus, il dit tu as pris la photo d'un être vivant. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le fait de représenter l'être vivant, même si jamais il n'y a plus la tête, là qui est son corps. Il est toujours présent, il dit, là c'est le corps d'un être vivant. Donc il a peur que ça rentre dans le haram. C'est pour ça qu'il a dit, c'est makruh. C'est makruh. Certaines personnes disent, non, il y a la vie qui est juste, c'est que yani, tu enlèves toute la sourate, que tu enlèves toute la sourate. As-sahih, c'est que tu te contentes de ce qui a été évoqué par Ibn Abbas radiallahu anhu, qui est la personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait plus de sens. C'est-à-dire que si jamais on venait à comparer la compréhension de Ibn Abbas à celle de l'imam Ahmed, la chaque olaya raïva fille, on va prendre celle de Ibn Abbas. Pourquoi ? Parce que il a vécu la prophétie. Il est plus à même de savoir quelle est la chose qui ne constitue plus une interdiction, car il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est des personnes qui ont la meilleure compréhension après le prophète. Donc lui il a dit qu'à partir du moment où la tête elle est enlevée, ça constitue plus une interdiction. Comme ça constitue plus une interdiction. Même si jamais on peut comprendre que Nabi sallam il a interdit de représenter, de faire des images dans lesquelles il y a un être vivant, même s'il n'y a plus la tête, c'est toujours un être vivant que tu as pris en photo ou bien que tu as dessiné et l'akhiri. Laquelle, le haram, il n'est plus constitué à partir du moment que la tête est enlevée. Donc là, il y a un délit qui nous prouve bien cela. Il y a un délit qui prouve bien cela, malgré que, c'est mieux, afin de sortir du khilaf, de t'achetanir carrément. Tu rentres même pas dans ces choses-là. C'est-à-dire que tu prends la photo d'une chose qui n'a pas d'être vivant. Comme ça, tu es tranquille. Et nwara, là, il y a des lumchés. Le fait de délaisser des choses qui peuvent te nuire fil akhirah, c'est ça le wara', c'est-à-dire délaisser des choses qui peuvent te nuire dans l'akhirah, c'est toujours mieux de le faire, c'est toujours mieux de le faire, comme ça t'es sorti du khilaf, ta conscience elle est libérée, la conscience elle est libérée. Lakin, comme l'a dit l'imam Shawkani, alayhi rahmatullah, pourquoi l'image, celle que, à laquelle on a enlevé une tête, elle constitue plus une interdiction? Parce que le fait que tu lui as coupé la tête, c'est comme si jamais tu lui avais enlevé la vie, c'est-à-dire que c'est plus un être vivant. C'est pour ça que, dans l'athar, il est dit, famour, بتمثال فسيره كالشجر يعني فكي يسوى كما كوا ان arbre. Et Shawkani l'a dit, pourquoi il a été pris l'arbre ici? Pour dire que fait de sorte à ce que lorsque tu vas lui supprimer la tête, c'est comme si jamais lui et l'arbre, ils ont plus de, on peut plus les qualifier comme étant être vivant. Pourquoi? Parce que tu lui as coupé la tête. Donc Yani, le code sahih dans cette mas'ala-là, c'est qu'à partir du moment qu'il n'y a plus la tête a été supprimée, hein, c'est-à-dire la tête, ça ne constitue plus une interdiction, mais certains, yani, ils ont compris le hadith, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, ils pensent que tu dois couper la tête, c'est-à-dire que, ils font comme si jamais ce stylo c'était un couteau, avec lequel ils ont coupé la tête, c'est-à-dire ils font un trait sur le cou, et ils disent, ben là on a coupé la tête. Hein. Et ça c'est une compréhension qui est vraiment radiba. Ce qui est voulu par contre, lui couper la tête, c'est la supprimer, c'est qu'on ne la voit plus. Et non pas mettre un trait sur le cou et dire que je lui ai coupé la tête, je lui ai tranché la tête en faisant un trait sur son cou. Ça c'est une compréhension qui est vraiment ba'idatun jiddan. Donc ça c'était un tanbih à faire par rapport à cela, car on a demandé de faire un éclaircissement par rapport à la parole de l'imam Touaidjeri, ou plutôt Cheikh Touaidjeri, hafizahullah rahimahullah ta'ala. Donc le qawl sahih, c'est celui qu'a dit l'imam plutôt al-Sahab al-Jalil Ibn Abbas radiyallahu anhu, à partir du moment qu'on ne voit plus la tête, ça ne constitue plus une interdiction. Naam, kadhalika, par rapport aux sœurs, par rapport aux sœurs qui souhaitent nous suivre sur le compte Twitter ou kadhalika sur SoundCloud. Twitter, SoundCloud et kadhalika par rapport au mail, on va faire un tanbih par rapport au mail kadhalika. On souhaite qu'elles fassent, même hatta, c'est même pas les sœurs, c'est toutes les personnes, tous ceux qui veulent nous suivre, on souhaite qu'ils fassent comme c'est le cas des Doros et des ICMR, des réunions qu'on a dans Belux. C'est-à-dire qu'on vient avec des identifiants par lesquels on ne peut pas connaître l'homme de la femme, comme c'est le cas ici, participant Kadakada et participant Kadakada. On ne sait pas qui est l'homme de la femme. Donc on s'exerce ces choses-là que nous a conseillé notre shir, Naham Abdurraqib al-Kokabani, hafidhahullah ta'ala, c'est-à-dire qu'ils ont des identifiants qui ne permettent pas de connaître qui est l'homme de la femme. Et ça, c'est mieux. C'est mieux. Et ça ferme la porte à ce que, au cœur qu'ils ont, les cœurs qui sont malades, les cœurs qu'ils ont en penchant, vers al-fawahish ila akhirih. Au moins, ça ferme la porte à cela. Il ne sait pas qui est l'homme de la femme. Il ne sait pas qui est l'homme de la femme. Donc, on s'exhorte, on les conseille à ces personnes-là, qu'ils aient un compte, que dans Twitter, ou bien que ce soit dans SoundCloud, par lequel on ne peut pas reconnaître si jamais c'est un homme, ou bien que c'est une femme. Ils ne mettent pas participant ila akhirih. Il y a une chose que, on sait que, on ne peut pas savoir qui est qui. On ne peut pas savoir qui est qui. Quand on a les cas sur les mails, le frère Khalil, Naham Hafidahullah Ta'ala, il avait déjà mis un post sur le Ulum, puisque certaines fois on reçoit des emails, il y en a des sœurs. Kadalika, les sœurs, celles qui vraiment n'ont pas le choix, ne trouvent aucune personne à qui adresser le courroie que par le biais du site, si jamais elles sont dans un cas où elles ne trouvent personne, la basbihit, laquelle, comme ça, on avait conditionné par rapport à cela, c'est que la sœur qui veut poser une question à travers le mail, à travers l'adresse du l'email du site, il faut qu'elle passe par son mahram. Elle passe par son mahram et c'est son mahram qui envoie la question. C'est son mahram qui envoie la question afin de fermer la porte à toutes les fitnas. Nous, on veut y aller rencontrer Allah Azza wa Jal en étant épargné des choses vers lesquelles qui vont être une nuisance pour nous. Et donc, on s'exerce ces choses-là. Les sœurs, ces temps-ci, on a vu qu'il y avait un tessahoul. Il y avait un tessahoul. Beaucoup de questions elles ont été envoyées dans lesquelles on ne sait pas, Allah Alam, si jamais. Je pense qu'ils ont un mahram, quelqu'un qui, au moins un frère ou bien un oncle, et la khadiyah, qui peuvent transmettre le mail directement sur le site des personnes qui n'ont aucun moyen qu'elles-mêmes d'envoyer, m'a affiché. On a questionné les savants par rapport à cela, ils ont dit si jamais c'est juste une babel fatwa ou nous transmettre une fatwa afin que vous leur donnez, m'a affiché. Lakin, on s'enjoint à ces choses-là, c'est-à-dire que de respecter cette condition-là qui est qu'elle doit passer par un mahram, et elle cherche. Elle cherche, c'est pas, elle dit j'ai pas trouvé, elle cherche, alhamdoulilah. Les moyens de communication, ils ont énormément plus besoin de se rencontrer. Tu peux envoyer le mail à ton frère, même s'il est dans un autre pays. Tu lui envoies un mail, et celui-là, il nous envoie un mail. Donc, on veut fermer la porte à toutes ces choses-là. Toutes les choses qui peuvent nuire à notre da'wah, et peuvent nous nuire à nous, carrément, yawm al-qiyamah. On s'exhorte, inshallah, à taqwa. Et la femme, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « وَقَرْنَا فِي بُيُتِكُمْ » Al-aslu fi al-nisa, c'est quoi? Al-sitr. C'est qu'elle soit... qu'elles n'apparaissent pas aux yeux de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux sœurs et de pas avoir des identifiants par lesquels on peut les reconnaître, que ce soit dans le mail, que ce soit dans SoundCloud, que ce soit dans le compte Twitter. Donc c'est un tanbih qui était muhim à faire. Et kadhalika, on ne va pas accepter. On n'acceptera plus, à partir de cet audio-là, les personnes parmi les femmes qui auront un identifiant par lequel on peut les reconnaître. Si jamais c'est le cas, après... que cet audio-là sera propagé une semaine après, kadhalika, on va effacer directement, on supprime quand même les comptes, même si jamais il n'y a pas de photo, même si son profil ne constitue pas une interdiction, lakin le fait qu'on voit son nom et on sait que c'est une femme, on n'acceptera pas, on va fermer la porte à tous les fétales.